parler alors. Oui, attends, ben, ça y est, alors, donc tu vas nous raconter l'histoire de ta plus grande prise. Oui, ça y est, j'enregistre. Alors, est-ce que je peux faire deux textes, la façon de pêcher, la façon dont j'ai choisi la meilleure, au bout de plusieurs années, je suis arrivé à un mode de pêche. Eh ben oui, très bien. Eh Et puis ben. après, je raconterai la plus belle prise, peut-être. C'est Eh pas à toi ben. de faire les deux en même temps. Ah ben oui, l'un après l'autre, de toutes les façons. L'un après l'autre. Ouais. On fait mes parts en même temps. Ah ben non, non, non. Enfin, comme tu veux, comme tu veux. Bon, on va essayer de faire d'abord la mise en place, la façon de ma meilleure pêche. Hein. D'accord. Eh ben vas-y. Alors, Alors, ben bonjour. vas-y. Je me présente alors, qu'est-ce que je fais? Oh ben vas-y, tu parles, tu me Oh, racontes, tu me bonjour, racontes. je suis grand-père Jean-Claude Delorge. J'ai toujours pêché depuis l'âge de 10 ans. Et j'ai pêché tous les poissons de façon différente, surtout dans les rivières du sud-ouest. Et t'as commencé à 10 ans tout seul? Oui. Ah oui. Là, ça va, on peut faire des coupures comme Ah, oh, ça mais va. oui, je retranscrirai après, on verra. Mais vas-y, hein. Ah, Oui, t'arrives à couper comme ça. Hein. oui. Alors, je suis devenu, à partir de l'âge de 20 ans, j'ai commencé à attaquer les gros poissons, les poissons carnassiers, qu'on attrape avec des petits poissons. On appelle ça la pêche au vif. Sinon, on peut les attraper avec des leurres métalliques, en caoutchouc, différents. On pêche au lancer. Et j'aime pas trop ce mode de pêche, alors je pêchais surtout au vif. Hein. Et j'ai mis au point une certaine technique, mais il faut avoir un petit bateau pour se mettre en place dans des bons endroits à brocher. Alors, j'avais commencé à Biscarrosse, on louait un bateau, on nous donnait des petits poissons dans un seau, et on allait pêcher le sambre avec 15 mètres de fond. On allait chercher les sambres qui étaient au fond et on en a attrapé. Et puis j'ai commencé à attraper des petits brochets. Et après j'avais trouvé un hôtel avec qui louer une petite barque de 2,50 m. Et j'allais pêcher devant l'hôtel à 300-400 mètres. Alors ma technique préférée, c'était je me levais. Alors je partais de Langon pour pêcher à Biscarrosse. On faisait aussi des petits séjours de 2, 3, 4 jours. Et je partais avec des bassines en plastique noir, deux bassines remplies avec une cinquantaine, soixantaine de gros gardons. Hein. Alors, ma technique de pêche, quand je partais de Langon, je partais à 3 heures du matin pour être en place à 6 heures dans la nuit, en bordure des roseaux. Donc, je prenais la barque. Sur la barque, je partais avec 3-4 cannes de brochet, deux grandes cannes télescopiques pour pêcher des gardons, pour occuper le temps quand ça ne mordait pas, parce que ça ne mordait pas tout le temps. Hein. Une épuisette, une boîte de pêche, la boîte de pique-nique, parce que j'y restais en général, au début, j'y restais toute la journée. Parfois, il y avait des clapotis tellement importants que j'attrapais même le mal de mer. Hein. Et alors, j'avais d'autres choses à porter. Ah oui, je portais deux manteaux parce que quand il gelait, ça faisait froid. J'étais sur l'eau avec le courant d'air froid. Hein. Et un imperméable en plastique en supplément. Hein. Donc, j'étais quand même bien chargé sur le bateau. Alors, je partais vers 5h30, 6h, dans le noir, parce que l'hiver, le soleil se lève vers 8h, et il fallait que je sois en place dans le noir, parce que j'avais remarqué que les brochets commençaient à mordre juste avant le lever du jour. Hein. Alors, je connaissais bien mes coins, je savais comment il fallait s'accrocher, parce que je mettais le bateau avec une ancre devant, une ancre derrière, et j'ancrais le bateau parallèle à 10 mètres de la bande de roseaux. Parce que les brochets, ils ont tendance à suivre les roseaux avec 2-3 mètres de fond, parce que les petits poissons se mettent à l'abri des roseaux, donc ils viennent le long des roseaux. Alors j'étais à 10 mètres des roseaux et je lançais en général 2-3 cannes, 2 cannes vers les roseaux et 2 cannes dans mon dos vers le milieu, hein. Et puis j'attendais, et quand j'avais des touches dans le noir. Je connaissais bien mon coin. Et le matin, en général, il n'y a pas trop de vent, donc il n'y a pas de clapotis, le bateau ne bouge pas. Et quand j'entendais le bruit du fil qui glisse dans les anneaux, ça frotte un petit peu. Alors je pinçais légèrement parce que le brochet, il attrape le gardon en travers, il est tranquille, il s'échappe un petit peu, et là il s'arrête pour engamer. Engamé, c'est avaler le poisson par la tête et il avale. Mais je pêchais avec des gros gardons qui faisaient à peu près 15 cm, parfois plus. Et ces gros gardons, plus ils étaient gros, je leur coupais les nageoires d'un côté, comme ça ils tournaient en rond et ça les empêchait de partir trop loin et d'aller se mettre dans des herbiers. Et alors, le brochet, donc, commençait à avaler le brochet. Et il partait toujours parce qu'il se promène, lui. Il est tranquille, il a son poisson dans la gueule, il avale et il commence à sentir l'hameçon dans la gueule, dans le gosier. Alors là, il commence à s'affoler, il accélère et plus il accélère, plus ça fait mal. Et là, à ce moment-là, il pique un grand sprint et à ce moment-là, il faut le ferrer. Voilà le mode de pêche que j'utilisais, hein. Donc la plupart de mes brochets sont attrapés dans la nuit, hein. Et il n'y avait pas de lampe de poche à ce moment-là, où il y en avait qui, mais dans le bateau il y avait toujours un peu d'eau, la lampe de poche tombait, ça y est, elle était noyée, il n'y avait plus de lampe de poche. Ah, chose, oui, parce que j'étais dans la nuit noire, parce que les brochets mordent moins quand il y a de la lune. Et quand il y a de la lune, ils ne mangent pas, ou je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il voit le poisson qui est difficile à attraper, alors il se met tranquille et il chasse pas. Tandis qu'en nuit noire, la plupart de mes touches, c'est dans ce que j'appelle la lune noire, entre deux pleines lunes. Entre deux pleines lunes. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore au point de vue mode de pêche? Alors, mais je vais raconter. Alors, j'ai commencé à attraper les gros brochets à partir de 71. Hein. Bon, après des brochets de 3, 4, 5, 6 kilos, j'ai commencé à attraper le 10, 11, 71, un brochet de 20 livres. Hein. Ah oui, 11 20 kilos. livres. 20 kilos. 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. Et j'en ai attrapé d'autres plus petits. Alors j'enviais mon copain, j'avais trouvé un chirurgien, un urologue, qui pêchait au début à côté de moi. Après on a pêché ensemble parce qu'il avait un gros bateau. Mais avec son gros bateau, on a attrapé moins de brochets parce Et que c'était ça qui? dérangeait C'était les qui brochets. Hein. le... C'était qui? Et alors lui, il avait attrapé 11 kilos. Hein. Et c'était qui? Comment il s'appelait? Etcheverry. Etcheverry. Etcheverry, urologue de Bordeaux. Hein. Et le 11-10-73, alors voilà, je vais vous raconter ma meilleure pêche. Alors, toujours pareil, départ 3 h du matin, en place 6 h, parce qu'il y avait des fois, je partais, il y avait 100 km entre Langon et Biscarrosse, et donc je les faisais en 1 h 15, la nuit, il n'y avait personne, le plein phare, ça marchait très bien. Mais il y avait des fois, j'avais le brouillard. Alors là, c'était la catastrophe parce qu'il fallait rouler à 30 ou 40 à l'heure. Et donc j'arrive, j'étais en place mon lieu de pêche et à Alors, 7 h 45, je attends, commence. excuse-moi, grand-père, mais t'étais c'était au lac de Biscarrosse Biscarrosse, et là. t'étais tout seul Ispe, dans la vallée, dans la Conche d'Ispe, dans la j'étais dans la Conche Conche d'Ispe, d'Ispe, à ouais, côté de l'hôtel qui à me côté louait de un petit l'hôtel. bateau de 2,50 en Ouais, mais je plastique. me rappelle, j'y suis allée dans cet hôtel. Voilà, oui, c'est la caravelle, ça s'appelle. Alors, à 7 h 45, un premier brochet, 6 livres. Et alors, là, à 8 h 15, 8, il faisait encore nuit, la pénombre commençait à disparaître, deux touches en même temps. Et deux touches brutales avec les cannes qui partent à fond. Alors je prends la première canne et je ferre. Et le poisson a été assez loin, il tirait mollement. Hein, parce qu'au début, donc, les poissons, ils sont, ils ont pas peur encore, et ils sentent pas la ligne tendue, donc ils sont relativement tranquilles. Mais on sent quand même un bon poids lourd hein, au bout de la ligne. Et puis tout d'un coup, la ligne était tendue. Alors je comprends pas, je ramène le fil, et j'avais le fil, qui était tout mou, je ne sentais plus le poisson. Et quand le fil est arrivé au bateau, je me suis rendu compte qu'il était passé entre les deux ancres, le poisson. Alors, je tire, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma ligne entre les deux ancres, c'était une ancre qui avait une chaîne métallique, et l'autre, une corde. Hein. Et je tire, je sens que ça frotte sur une ancre, et j'entends derrière moi un énorme plouf, hein. Je me retourne et je vois un gros remous et le poisson avait sauté dans mon dos. Alors, et tout d'un coup, je me rends compte que ma ligne ne bouge plus. Alors, j'ai compris qu'elle était prise dans l'encre métallique. Alors, je lève l'encre métallique et je vois qu'il y a un nœud qui s'est fait et le poisson qui tirait sur la chaîne. Et donc, j'ai coupé le fil, les deux bouts du fil, de chaque côté de la chaîne, et je sentais dans la main gauche le poisson qui tirait mollement, donc mais il tirait quand même. Hein. Oui. Il a fallu que je fasse un bon nœud pour rattraper la ligne. Ouh là là. Alors, je rattrape ma canne, j'avais plus qu'une ancre, donc le bateau tournait, j'avais sans doute deux cannes encore à l'eau. Et tout ça se mélangeait joyeusement, hein. Et je reprends contact avec le brochet, je commence, alors je vois qu'il est très gros, parce qu'au début, on voit là, donc il faisait 1,05 m, et je vois qu'il était très gros, et je vois que c'était mon record, hein. Alors, j'ai une épuisette, mais qui n'est pas très grande, hein. Alors j'ai une difficulté à faire rentrer le brochet dans l'épuisette, mais il s'échappe, et comme mon épuisette, comme tout mon matériel, n'est pas très fiable, le plomb de la ligne se mêle avec la maille du filet. Et le brochet, il n'avait plus qu'un mètre de fil après l'épuisette. Hein. Alors j'ai dit, il va tout tirer, il va se décrocher ou te casser. Et bien j'ai lâché l'épuisette et le brochet qui sont partis ensemble, les deux. Hein. Et ça a encore duré à peu près 5 ou 10 minutes. Et je voyais mon épuisette qui sortait de temps en temps. Et finalement, le brochet à la fin était fatigué. Et alors, je l'ai attrapé par les orbites, parce que le crâne du brochet est très dur. Donc, on peut lui mettre les doigts dans les orbites et on l'enfonce et on l'immobilise parce que ça doit lui faire mal. Hein. Parce qu'une autre fois, sur un gros brochet, le gros brochet, j'ai voulu mettre le doigt dans les branchies, et là, j'ai rien senti, parce que comme il fait froid, j'avais les doigts un peu gourds, et j'ai rien senti, mais quand j'ai ramené le brochet dans le bateau, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus enlever le doigt de la branchie, et j'avais le doigt coincé par la branchie. Alors j'ai écarté la branchie, il a fallu que j'écarte les branchies, puis j'ai sorti le doigt sanglant, mais je sentais rien, je voyais le sang qui coulait, je croyais que c'était le sang du brochet, c'était le sang du doigt qui coulait. Hein. Alors je me méfie, maintenant je ne mets plus le doigt dans les branchies du brochet, je les attrape par les yeux. Hein. Voilà. Et grâce à ça, j'ai pu mettre mon gros brochet dans l'eau, dans le bateau. J'avais les genoux qui tremblaient d'excitation, hein. Et je récupère ma deuxième ligne qui était partie très loin. Et là, j'ai sorti un brochet, il était pris dans un tas d'herbe, j'ai tout tiré, et il faisait quand même 9 livres. Donc j'ai attrapé 3 brochets en une heure. Et donc, alors quand tu dis... 9 livres et 22 livres, hein. Voilà. Et quand tu dis que ta ligne, elle était partie, tu veux dire que le fil était parti? Tu veux dire que le fil était pas. Quand tu dis que ta ligne, elle part, ça veut. Moi, elle part, oui, c'est le fil qui c'est se. le C'est fil le qui rouge qui est se en bas, qui était sur déroule, la ligne. qui se déroule beaucoup. Beaucoup, là. Il y en a qui. Parfois, j'ai laissé partir à 50-60 mètres. Hein. Ah oui. Voilà. Il y a toujours le danger qu'il s'accroche avec une racine au fond ou un tas d'herbes, parce qu'il y avait beaucoup d'herbiers, là. Hein. Mais les herbiers, on arrive à les arracher. Et parfois, on ramène le brochet dans 2-3 mètres d'algues. On ne le voit plus, le brochet. Il est dans le fagot d'herbe. Hein. Donc, tu avais dans ta barque, dans ton bateau, là, tu avais tes trois poissons? J'avais trois poissons. Alors, quand j'ai fini, je suis parti un peu plus tôt, parce qu'il faisait froid. J'ai dit, bon, j'ai trois poissons, et puis je savais que dans la journée, on a moins de chances d'en attraper. Alors, je suis parti plus tôt, et quand je suis arrivé à l'hôtel, bien sûr, tout le monde est venu y voir, et je voulais faire la photo. Et alors, il y a un bonhomme qui était petit, je l'ai mis à côté des brochets, comme ça fait paraître les brochets encore plus grands, hein. Voilà. Et l'après-midi, j'ai fait les photos. Il y a grand-mère qui est photographiée avec. Il y a Annie Mur. Et il y a aussi Christine qui avait le jeune chiot, là. Un chien courant, complètement fou. Très gentil, mais complètement fou et qui n'obéissait pas. Il était comme le chien que vous aviez, là. Hein. Et ce chien-là, je l'ai perdu à la pêche. Il était bête, ce chien, mais il n'obéissait pas. Hein. Et puis un jour, il m'a énervé, parce que souvent je faisais celui qui partait, alors il suivait la voiture, et à un moment j'arrivais à le faire monter à la voiture. Mais un jour, il suivait la voiture, je me retourne, plus de chien, et je ne l'ai jamais revu. Voilà. Oui. Si tu l'as peut-être revu, tu me disais que tu pensais l'avoir revu avec un au marché avec un gitan. Ah oui, je me rappelle plus ça. Non, toi, je m'en souviens plus. Tu l'as appelé, il me semble, Voilà. et qu'il Ah avait oui, répondu. je me rappelle plus. Poupise, poupise. Alors voilà ma pêche record, donc en 73. Alors ça fait longtemps, hein. Voilà. Ça fait Ouais, mais tu longtemps. t'en rappelles comme bien des Voilà. sensations de l'air. À la sensation de. Ah, mais j'en ai attrapé d'autres. J'ai attrapé de 8, 9 kilos. Mais je crois qu'à 10 kilos, j'en ai que 3 ou 4 poissons. Hein, voilà. Ouais, de le prendre par les orbites et de le sortir du. Les Enfin, orbites. et surtout quand même faire le nœud, défaire, couper Oui, et refaire le nœud là. couper la ligne. Là, tu as eu un. Et puis il est parti avec les puissettes. Elle est partie Elle avec fait une 2,50 m les puissettes. Il est Tu crois que parti. ça va aller comme ça? Ben oui, je pense. Écoute, on va essayer. Je vais voir. Déjà, j'ai l'audio. Et puis, Oui. Je t'enverrai une photo des brochets. ah ben, tu m'envoies une photo des brochets. Et Et puis, après, je raconterai comment je pêchais les poissons de la chambre. de la chambre. Ah oui. Il y aura Ben. la photo de. Mais je mettrai la photo du petit bateau, parce que je n'ai pas de photo avec toutes mes cannes tendues. Il me semblait que j'en avais, parce qu'il y avait des fois, je pêchais. Alors, quand ça ne mordait pas le brochet, parce que mon record sans touche, je suis allé 6 fois à Biscarrosse sans avoir une touche de carnassier. Ah oui. Et alors, 6 fois, et j'y restais donc. Je partais à 3 heures, je revenais à 3-4 heures de l'après-midi. Ça faisait 12 heures. Donc 12 heures, et je faisais 8 heures de pêche, hein, quand même. 8 heures de pêche. Hein. Oui. 6 x 8, Alors, 48, 52. Allez, 50 heures d'attente. sans une touche le brochet. Mais à ce moment-là, il y avait des gardons qui pêchaient. Alors je pêchais, j'avais 3-4 cannes de brochet tendues sur mon bateau, tout autour du bateau, et d'un côté, j'ai laissé un espace pour mettre deux cannes pour pêcher les gardons, les tanches, les brèmes. Ouais. Voilà. Et alors, comme ça, j'occupais un peu ma journée. Je mangeais, quand j'achetais, j'adorais manger un jambonneau. C'était les petits jambonneaux. Parfois, j'avais une boîte de haricots froides, une boîte de lentilles froides. Et c'était les premiers plats de carottes râpées qu'on vendait sous plastique. Ah oui. Voilà, ça c'était mon repas. Hein. Bon, bah super. Très bien. Bah tu m'enverras les photos. Oui, je t'enverrai les photos. Bon, très bien. Eh bien, super. Eh bien, on dit mardi prochain. D'accord. Voilà. Donc, bah, tu nous raconteras comment tu Eh bien, pêchais du le péché Biscarros de encore. l'hôtel, Pêcher de de la l'hôtel. chambre, de la chambre. Ok. Ok. Très bien. Super. Eh bien, bien. On aurait dit que t'as réfléchi que depuis. Non, j'y ai souvent réfléchi. Ah. J'ai fait déjà, je voulais faire un article, j'ai fait un article, je ne sais plus où il est. Parce que j'ai fait plein d'articles, mais je ne sais plus où ils sont. Hein. Voilà. Ah Ah bon. tiens, je suis en train de faire une lettre au président de l'Aquitaine qu'on avait vu à Izoard. Ah oui. Alors je lui Avec... raconte et je t'enverrai le double. Ah bah Hein. oui, très bien, Je très bien. J'ai t'enverrai pas le encore double. lu. Il faut que j'ai pas encore lu l'article. Il faut que je le lise. Il faut L'article. que je me l'imprime en fait. Et Oui. voilà. Alors je le remercie parce que c'est. Enfin, je raconte un peu l'histoire. Oui. L'histoire, hein. Voilà. Bon, Et super. je l'appellerai au téléphone. Hein. Ben oui. Et il faut que j'écrive aussi à Pas-Calais. Si c'est le Pas-Calais, le type que j'ai rencontré aux orchidées, là, parce que ça aussi, c'est une histoire. Hein. Attends. Ça vaut peut-être le coup de la raconter. C'est quoi? L'histoire aux orchidées, on est arrivé sur Riefenstahl et il a mangé avec elle. Oui. Parce que c'est une histoire à tiroir. Hein? Ah ben oui. Alors il faut que je la raconte, que je la raconte bien. Parce que, mais je vais faire un montage de photos parce que j'en parlerai dans la conférence, ça. Ah bon. Et parce qu'il y a. Donc on était cinq orchidophiles. Hein? Eh ben Et avec tu quatre, prépares il y et puis avait on... une relation, on avait un lien commun, j'avais un lien commun avec les quatre sur cinq. Hein. oui. Bon, C'était mais des il faut... fossiles pas avec du puits. Là, on va arrêter là parce que après il faut Oui. aussi que j'amène Jean au Ah tennis. oui, d'accord. D'accord, Et allez. mais tu la prépares et puis on fera un autre mardi. Oui, d'accord. On fera ça. On fera ça. Entendu. Ok, super. Bon, j'arrête Voilà. l'enregistrement.